Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Simone Monet-Chartrand. Quand je me suis mariée, les féministes aujourd'hui me disent « Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire? Tu es féministe, tu portes une autre ton mari. » C'était un choix pour moi de rompre avec un milieu. Alors, j'ai pris un autre nom qui voulait dire une autre orientation de vie et de pensée, d'action. Quand Simone Monet épouse Michel Chartrand et décide de prendre son nom, bien sûr, elle le fait par amour, mais ce choix, c'est aussi pour elle celui de la rupture avec sa famille et son milieu. En choisissant Michel, Simone tourne une page de sa vie et décide de commencer à en écrire une autre qui sera faite, elle, de combats et d'engagements multiples auprès de cet homme dont elle partage les idées et qui deviendra son indissociable compagnon d'armes. Depuis que vous vous battez, est-ce que vous trouvez que la femme, en tant que femme, a elle-même changé? Oui, mais c'est encore un petit nom, trop petit nom, et sur des points pas assez essentiels à mon point de vue. Moi, ce que je verrais, ce serait une plus grande autonomie de pensée, une plus grande autonomie économique, une plus grande autonomie au niveau des amitiés, des opinions, du choix, des grands choix de la vie. Pas juste une petite histoire. Vous trouvez qu'on a peur encore? Oh, je trouve que les femmes restent timorées, même les plus effrontées. Il y a une espèce de manque de tout dire. On était trop prudes. Moi, je trouve que la religion nous a rendus très, très, très distingués, trop distingués. Simone Monet-Chartrand, qui répond aux questions de Rachel Verdon à l'émission Femmes d'aujourd'hui en 1979, pour nous raconter la vie et le parcours de Simone Monet-Chartrand, je reçois Catherine Foisy, qui est professeure au département de sciences des religions à l'Université du Québec à Montréal. Catherine Foisy, bonjour. Bonjour. Simone Monet-Chartrand, elle a été, Catherine Foisy, de tous les combats, le combat social, le combat syndical, le combat féministe, le combat pacifiste, le combat pour un pays. Pour vous, qu'est-ce qui la définit le mieux? Qu'est-ce qui l'incarne le mieux? Qui est-elle, d'abord et avant tout, cette femme-là? C'est une femme qui est réellement une chrétienne, une femme marquée par l'Évangile, qui cherche à le vivre pleinement. Et dans ce sens-là, je dirais que ce qui est le plus marquant dans son parcours, c'est la cohérence qu'elle a maintenue tout au long de sa vie dans les divers engagements qui ont pris des formes différentes, mais il reste qu'il y avait réellement une sorte de rencontre entre sa vie quotidienne, ouais, et les combats qu'elle a pu mener. C'est pas théorique, c'est pas quelque chose qui est théorisé dans une tête, c'est vraiment une action qui s'incarne dans le quotidien, tout au cours de sa vie. On entendait au tout début de l'émission parler de cette rupture. Elle doit rompre à un moment donné. Elle décide de rompre avec son milieu, avec sa famille. Un mot sur ses origines, justement, parce que ce serait important quand même pour la suite. À quel milieu elle appartient, Simone Monet-Chartrand? Elle appartient à un milieu de bourgeois. C'est une fille de députée, de juge, une petite fille de députée. C'est une femme qui va avoir accès à des études universitaires. C'est une femme qui n'a qu'un frère. C'est une femme, donc, qui ne partage pas son lit ou sa chambre avec d'autres sœurs, comme la plupart des Canadiennes françaises à l'époque. Donc, c'est une femme qui a eu réellement une formation initiale, très solide, et tout le parcours féministe lui vient en quelque part aussi de ces premières années de vie-là, où son père la convainc que sa parole est aussi valable que celle d'un garçon, mm-hmm, ce qui n'est pas courant à l'époque. Et ce qui va être fondamental pour la suite. Parlons des racines de son engagement. C'est à la JEC, à l'école de la JEC, la jeunesse étudiante catholique, que ça va se développer, cette pensée, ce goût du combat pour Simone Monet. Sur quoi ça s'appuie? Si on avait à la définir, cette pensée chrétienne engagée, parce que ce serait important. Vous m'avez dit d'emblée, ce que je retiens d'elle d'abord et avant tout, c'est ça, une croyante, quelqu'un qui a la foi et qui s'engage. Oui. Alors, c'est réellement une foi qui est compromise avec le monde et pour le monde. Donc, c'est une foi qui est basée sur une pédagogie, qui est la pédagogie du voir, juger, agir. Voir une situation, juger de cette situation-là à la lecture ou à la lumière de l'Évangile et poser des actions pour transformer ces situations qui sont souvent des situations d'injustice, d'iniquité, d'inégalité, etc., etc. Et donc, elle, dans le contexte où elle est, c'est le contexte étudiant, donc elle mène des luttes avec d'autres pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Mais il y a à la même époque, entre autres, la jeunesse ouvrière catholique, il y a également la jeunesse indépendante catholique, et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle va rencontrer rencontrer celui qui va devenir son mari, Michel Chartrand. Oui. On l'écoute justement nous raconter comment ça va se passer, cette découverte, avant même la rencontre, la découverte de Michel Chartrand pour Simone Monnet, extrait d'une entrevue qu'elle accorde à l'émission Ni plus ni moins en 1975. Moi, j'ai été la première dirigeante à insister, c'était mon idée fixe, pour que les réunions soient conjointes. Mais l'objection à ça, c'est que c'était les filles et les gars, s'il fallait qu'ils tombent en amour. T'sais. Moi, j'ai connu Michel dans le JIC. Première fois que j'ai entendu parler de cet homme-là, je ne l'avais pas entendu parler, j'ai entendu claquer une porte. Puis Alex Leduc m'a dit, à ma question, mais qui frappe, claque une porte comme ça? Elle m'a dit, ça, c'est un phénomène. C'est un bonhomme qui a 25 ans, il s'appelle Michel Chartrand. Il a un dynamisme puis une énergie de titan. C'est un contestataire né, puis c'est un gars extraordinaire. Moi, il m'épate, puis visiblement, c'était plus que de l'épater. Elle semblait finement attirée, puis impressionnée par cet homme-là. Alors, elle dit, veux-tu que je le présente? Michel, il représentait la jeunesse indépendante catholique, mais trouvait que c'était ridicule d'appeler ça jeunesse indépendante, puis trouvait que c'était ridicule de faire un mouvement masculin et féminin. Alors, on s'est connus en contestant tous les deux, sans s'être vus, les mêmes situations. Tu sais. Ça, c'est assez fascinant, Catherine Foisy, parce qu'ils se battent pour les mêmes idées avant même de se connaître, puis ça monte, et ce sera toujours dans l'équation, dans le couple, ce combat, ces idées communes, ça va faire partie, donc, de ce couple-là, dès le départ, avant même que le couple existe. Tout à fait, c'est réellement emblématique. Et dans l'histoire même contemporaine du Québec, c'est un cas complètement unique. Parce que de voir un homme, une femme qui s'engagent l'un face à l'autre et puis face au monde pour la transformation de ce monde-là, ouais. Dans un parcours de vie où il n'y a aucun fléchissement du point de vue de la transformation, de la visée de transformation sociale, il n'y a pas d'équivalent. Et tout l'engagement en action catholique spécialisée, autant pour l'un que pour l'autre, va demeurer finalement un horizon et va créer un ancrage pour toute leur vie. Mmh. Et durant les années 40, les années 50, ils vont chercher également même des voies d'épanouissement d'une spiritualité comme laïque. Mmh. Et ça va être une équipe dans l'action, ces deux-là. Ils vont vraiment faire équipe tout au cours de leur vie. Puis on revient sur ce que Simone Monnet Chartrand disait au tout début de l'émission. C'est un moment déterminant pour elle, la rencontre avec Michel et le choix qu'elle fait. Je choisis cet homme, je choisis de partager le combat avec lui parce que je partage les idées qu'il a et je tourne mon dos à mon milieu d'origine. C'est fondamental dans sa démarche. Tout à fait. Simone Monnet Chartrand, il faut comprendre qu'en 1942, quand elle annonce à ses parents qu'elle a l'intention d'épouser Michel Chartrand, les parents font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher cette union-là. Ils l'envoient aux États-Unis, ils pensent que ça va passer, finalement ça passe pas, elle revient, elle dit que c'est réellement ce qu'elle veut, les parents n'obtempèrent pas, tous les curés, les prêtres que la famille connaît dans Outremont, à Montréal en général, sont informés de cela et personne ne veut présider le mariage. Or, il se trouve qu'ils ont, Michel et Simone, en commun un mentor, c'est-à-dire la personne de Lionel Groulx, ce grand historien nationaliste. Et donc, ils vont se voir unis devant Dieu et devant les hommes par le chanoine Groulx. Et va commencer donc leur vie commune et leur combat commun. Ce qui est assez fascinant, vous l'avez déjà évoqué au tout début de l'émission, dans le parcours de Simone Chartrand et dans son engagement, c'est qu'il y a une proximité immédiate entre les causes qu'elle va défendre, entre son engagement, son combat social et sa vie personnelle. Parmi ces premières causes, ce sera au fond la défense du statut de mère de famille. Tout à fait. Alors, avec l'École des parents et également ensuite avec l'Union des familles qui va être fondée sur la Rive-Sud, l'objectif, c'est de donner de la formation aux mères, de permettre aussi aux mères de sortir du cadre familial, de permettre même aux pères, parce qu'ils vont s'occuper ensemble également avec Michel du service de préparation au mariage sur la Rive-Sud. Et Simone enfile les enfants d'une année à l'autre. Bon. Donc, c'est malgré tout ça, Elle trouve du temps pour préparer, rédiger des conférences, donner des conférences, former des femmes, parler dans des groupes, des associations. Et donc, ils vont également fonder des coopératives de vêtements, Saint-Vincent-de-Paul et des... plein de choses, d'entreprises sociales qui, parfois, ne demeureront pas. Mais réellement, il y a une similitude, il y a énormément de parallèles à établir entre les étapes de sa vie et puis les engagements qu'elle va prendre. Évidemment, sa vie commune avec Michel fait que le combat syndical va comme s'imposer aussi. Ce sera un autre grand combat pour elle. Tout à fait. Elle va mener le combat beaucoup, je dirais, dans l'ombre, parfois en prenant la parole auprès, des hommes qui souhaitent se syndiquer, des grévistes, des femmes de grévistes, pour les organiser, pour donner des moyens, des outils pour être capable de vivre. Parce qu'à l'époque, il faut se souvenir, là, il n'y a pratiquement pas de syndicats. Et quand on fait la grève, on n'a pas de fonds de réserve. Mmh. On n'a pas de fonds de grève. Donc, les familles sont confrontées à des difficultés immenses, des enjeux de pauvreté très, très, très important. Donc, ça fait partie de son engagement. Mais je dirais que cette dimension-là, elle est encore peut-être plus propre à Michel Chartrand, puisque c'est réellement là qu'il va faire carrière. Son engagement féministe, ce qui est intéressant, c'est qu'il... au début, il est intimement lié à un autre grand engagement, une autre grande cause qu'elle aura, c'est celle pour la paix. Mais ça se fait un petit peu en même temps, le féminisme et le pacifisme. Comment ça commence, tout ça? En fait, le pacifisme, ça commence même dès les années 40, parce qu'elle se retrouve à être, en fait, en 39. C'est là qu'elle est à Washington, à une rencontre des universitaires pour, justement, la paix et ou pour la bonne entente entre les peuples. Et finalement, la Deuxième Guerre mondiale est déclarée à ce moment-là. Et là, elle se fait la promesse de toujours s'engager contre la guerre et donc pour la paix. Et il va y avoir des moments, des moments charnières dans ce parcours-là. Entre autres, au début des années 60, plusieurs femmes vont se rendre à Ottawa pour réclamer du gouvernement réellement un engagement en faveur de la paix. Toute la question nucléaire aussi va être importante dans les années 60, dans les années 70. Et à travers ça aussi, elle va détonner parce qu'en 63, elle est invitée comme déléguée du Parti communiste en Russie, donc pour une grande conférence internationale sur la paix et par rapport à la question du nucléaire. Et elle va faire une tournée en Europe durant plusieurs semaines. Ils n'ont pas d'argent. Elle doit emprunter cet argent-là. Donc, ce sont réellement, autant elle que lui, ce sont réellement des idéalistes fous. Mais pour transformer le monde dans lequel on vit, ça prend réellement cet horizon-là d'utopie. Et sur la scène québécoise, pour ce qui est du combat féministe, elle va être de tous les combats aussi. Elle sera l'une des cofondatrices. Au tout début, elle est là, à la Fédération des femmes du Québec. C'est une leader aussi, hein. L'Institut Simone de Beauvoir, plus tard, elle sera aussi derrière la création de ça. Alors, il faut pas oublier cet aspect qui va beaucoup se vivre par son engagement féministe, mais de leader de Simone Monet-Chartrand. Oui, tout à fait. De leader et puis d'organisatrice. Parce que c'est réellement une femme qui a toute sa vie formée d'autres, entre autres, particulièrement d'autres femmes aux modalités des assemblées publiques, des assemblées décisionnelles, des conseils d'administration. C'était une femme qui prenait des cartes des associations, des organismes dont elle souscrivait aux idéaux, qui participait aux assemblées générales annuelles de tous ces organismes-là. C'est vraiment une femme qui était une femme de terrain et jamais, jamais, jamais dans des positions d'abord idéologiques, avec énormément de pragmatisme, mais sans jamais perdre l'horizon de l'idéal. Comment va se préciser, se définir son engagement et sa vision du féminisme? Je vous propose un extrait qui va vous intéresser, Catherine Foisy, c'est certain. Extrait d'une entrevue de Simone Monet-Chartrand à Femmes d'aujourd'hui, en 1979. Écoutez bien. Comment vous voyez ça maintenant, ce mouvement de militantisme féministe? Est-ce que vous êtes satisfaite de la façon dont ça se passe maintenant? Bien, je trouve intéressant, mais je trouve que souvent c'est très superficiel. Par exemple, une lutte pour le salaire, l'égalité de salaire, promotion, on demande ça depuis 35 ans. Enfin, une lutte pour des garderies ou pour l'avortement libre et gratuit. Je trouve qu'il faudrait également parler des causes, des motivations du système social, des mentalités qui font que les choses n'avancent pas plus vite et qui font qu'une femme soit obligée d'en arriver à une décision de l'avortement. Ils n'ont pas parlé d'avortement comme ça, comme le but d'une vie, ou le but d'une activité, ou le but d'un engagement. C'est un peu trop stéréotypique. Ben, pourquoi est-ce que la société ne peut pas accueillir un enfant? Pourquoi la femme est seule à porter le poids de la contraception? Pourquoi les gens réfléchiraient et les structures changeraient et les services s'organiseraient? Mais juste dire, je m'en vais, là, puis je mets un ennemi là-dedans, puis c'est ça, il n'y a que ça. Moi, j'ai trop d'enfants et de petits-enfants pour ne pas trouver qu'une société devrait accueillir tous les enfants qu'on peut. C'est intéressant ce qu'on entend, ça en dit beaucoup. On revient en fait à ce qu'on évoquait un peu plus tôt dans l'émission. Évidemment féministe, mais croyante, toujours. Cette foi chrétienne, les racines chrétiennes sont toujours présentes dans l'engagement de Simone Monnet-Chartrand. Ce qu'elle dit sur l'avortement, c'est la parole d'une croyante. Ça choque certainement certaines auditrices qui nous écoutent actuellement et auditeurs. Certainement, j'ai tendance à croire qu'au-delà d'une posture croyante, disons croyante, en tout cas pas dogmatique par rapport à une doctrine d'une institution, de l'institution catholique, c'est réellement ancré dans une compréhension de la valeur de la vie humaine. Bon, ceci étant dit, ça peut être questionné sous différents aspects. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il reste que ce qu'elle questionne, je crois, dans cet extrait-là, c'est réellement la difficulté, finalement, de faire passer le message féministe, mais dans une perspective globale. C'est-à-dire de prendre les structures d'oppression des femmes et puis de travailler à modifier réellement, mais au niveau des mentalités. Et ça me fait penser aussi à un moment donné, j'écoutais Micheline Dumont, la grande historienne des femmes, qui disait, ben c'est pas avec une centaine d'années de lutte contre le patriarcat qu'on défait finalement des modalités de pensée, puis des mentalités qui sont là depuis des millénaires. Donc là, il y a quelque chose, et il me semble qu'un discours comme celui-là, par rapport au féminisme, c'est un discours qu'on devrait entendre davantage, parce que ça replace les choses dans un contexte beaucoup plus large. Elle le dit, la question de la contraception. Pourquoi est-ce que ça devrait aujourd'hui encore en 2017 être uniquement la responsabilité des femmes? S'attaquer aux causes, elle le dit aussi. Tout à fait. Plus, d'abord et avant tout, en fait. Un mot sur, parce qu'elle en a beaucoup de combats, un mot sur son combat pour le pays. Quelle place, parce que ça fera partie de sa vie aussi, quelle place ça va occuper dans sa vie? Ça va occuper une place importante, bon, surtout à partir de la deuxième moitié des années 60. Bon, elle va entrer dans le RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Et ensuite, elle va prendre sa carte du PQ, c'est évident. Il y a également chez Simone des acquaintances fortes avec des artistes, des poètes, des chanteurs, des auteurs, compositeurs, interprètes. Et donc, tout ce lien-là, ce projet-là de pays va être très mobilisateur pour cette femme-là, parce que c'est en accord avec autant avec la perspective à la fois féministe, avec la perspective syndicale. Toutes ces luttes-là visent essentiellement la libération de l'être humain de force ou de forme d'oppression. Ouais. Et dans le cas du pays, ben, elle fait la lecture que le Québec est clairement une nation, a une identité culturelle forte et doit, de manière concomitante, avoir les institutions nationales qui sont nécessaires. Puisqu'on parle de la question nationale, je vous propose un dernier extrait qui va nous ramener à Simone, à ce qu'elle est, elle, profondément. Elle parle dans cet extrait de la réflexion dans laquelle va la plonger l'arrestation de Michel Chartrand durant la crise d'octobre 1970, extrait de l'émission Le Grand Carrousel en février 1981. L'incident qui a déclenché tout ça, c'était l'incident de la crise d'octobre. Parce que quand la gendarmerie a amené Michel à Parthenay, puis ils l'ont gardé 4 mois inutilement, justement, ce soir-là même, parce que c'est arrivé le matin, très tôt, 5h moins quart du matin, j'ai pris la vieille Peugeot que nous avions, puis j'ai fait le retour aux sources en voiture. C'était à l'automne, c'était plus vieux. Je suis retournée à la maison de mon grand-père face au Richelieu, à Saint-Jean-d'Iberville, et à Belle-Île, où j'avais habité. Puis là, je me suis dit, qui suis-je, moi, Simone Monnet? Parce que partout, que ce soit dans les métros, une boîte téléphonique, une librairie, les gens disent, ah, vous êtes la femme de Chartrand. Mais quand j'ai été partie, là, qui étais-je, moi? Je n'étais pas membre du FLQ, puis je n'avais pas d'affaire à être dépossédée de mon mari. C'était un enlèvement net. C'était un enlèvement. Alors là, j'ai voulu vraiment me reprendre en main et dire, moi, est-ce que j'existe par moi-même? J'ai toujours eu l'impression, puis Michel m'a toujours laissé très libre d'étudier, d'écrire, d'aller, de venir. Mais là, j'avais besoin de retrouver mes sources. C'est intéressant cet extrait, Catherine Foisy. Je vous la pose, la question, qui est donc Simone en dehors de Michel Chartrand? Simone Monnet, c'est une femme éprise de liberté. C'est une femme qui aime profondément le monde et qui, à partir de ces deux éléments-là, souhaite le transformer. Mais c'est en même temps une femme très sensible. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais elle va produire sa vie en quatre tomes. Mm-hmm. Et ce sera son autobiographie. Et ce sera le dernier pan de son engagement. Et d'une certaine manière, c'est à la fois son héritage autant d'engagement social que son héritage, je dirais, sur un plan même spirituel. Parce que quand on lit ces quatre tomes-là, on voit très bien la trajectoire et comment les deux trajectoires sont intimement liées. En fait, il n'y a pas deux trajectoires, il n'y en a qu'une seule. Et elle incarne tout ça à la fois. Et je dirais qu'en termes de bilan, c'est un peu peut-être ce qui est dommage, c'est que sa figure, qui est tout à fait valable et qui est porteuse d'un legs extraordinaire pour la société québécoise, mais je dirais même plus largement pour les gens qui sont épris de justice sociale, pour les gens qui sont en lutte pour transformer des situations d'injustice, d'oppression, elle a été éclipsée par la figure de Michel, qui était beaucoup plus tonitruant, qui empruntait des expressions beaucoup plus fortes peut-être pour marquer l'imaginaire. Mais son parcours, sa vie, de mon point de vue, est tout aussi valable. Et dans ce bilan-là, une des choses qui traverse tous ses engagements sociaux, c'est la question des droits aussi. Ouais. Et quand on a écouté le lien avec l'emprisonnement de Michel en 70-71, c'est quand même la direction qu'elle va donner au dernier grand stretch, grande partie de son engagement, c'est la défense des droits fondamentaux. Catherine Foisy, professeure au département des sciences de religion de l'Université du Québec à Montréal, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Toi, oh toi, Simone.